Chapitre 1. César, Aimé et leur compagnon Balthazar. Il était une fois, mes petits lecteurs, deux enfants, que Dieu avait fait orphelins tout jeunes, et bien avant qu'ils fussent en état de garder le souvenir des soins et de la tendresse que leur avait prodigué leur pauvre maman. À l'époque où commence notre histoire, l'aîné, un garçon, pouvait avoir 9 ans, peut-être 10, et le plus jeune, une fille, 8 ans à peine. Il ne faut pas me demander s'ils étaient jolis. C'était chose fort difficile à découvrir sur leur haillon, et je ne saurais vraiment vous répondre. Cela du reste leur importait si peu qu'ils eussent été eux-mêmes bien embarrassés de dire s'ils avaient le nez camard ou aquilin. De la vie, ils ne s'étaient regardés dans un miroir. Je n'essayerai pas non plus de vous vanter leur intelligence. Ils en avaient sans doute, mais ils n'y paraissaient guère, car ils avaient toujours vécu comme des sauvages, et ne savaient encore ni lire, ni écrire, ni prier. Ils ignoraient aussi tout ce qui concernait leur première enfance, et ne connaissaient rien des parents qu'ils avaient perdus, ni de l'époque ou du lieu où ils étaient nés. Aussi loin dans le passé qu'ils pouvaient se reporter par le souvenir, ils se voyaient du matin au soir errant sur le pavé de Paris, où ils offraient aux promeneurs des bouquets de roses et de violettes qu'on leur achetait trop rarement, et du soir au matin couchés côte à côte sur de misérables paillasses dans le logis de leur tuteur, Joseph Ledoux. Lorsque César, qui avait par moments des idées vagues et confuses d'un temps plus heureux, s'enhardissait assez pour questionner Joseph, celui-ci répondait invariablement qu'ils n'étaient que de misérables enfants trouvés. Enfants trouvés. Cela les faisait réfléchir. Ils se représentaient tous deux abandonnés sous le porche d'une église, comme ils entendaient dire qu'on trouvait quelquefois des enfants nouveau-nés ou bien perdus dans un chemin de traverse, au milieu des bois, tels que César en voyait toujours la nuit dans ses rêves, bien qu'à sa connaissance, il n'eût jamais été à la campagne. Et c'était pour eux un grand sujet de désolation. Ah, si à défaut de parents, la Providence leur avait seulement donné des amis. Mais l'amitié, douce au cœur des enfants comme au cœur des hommes, leur faisait aussi défaut. Personne ne s'intéressait à eux au-delà de cette pitié passagère que leur grande jeunesse inspirait à quelques promeneurs. De temps à autre, ils entendaient qu'on disait, en passant près d'eux, « Pauvres petits !» Touchés jusqu'au fond de l'âme, ils levaient sur la personne qui avait parlé ainsi leurs beaux yeux pleins de reconnaissance. Mais on leur donnait 2 sous et puis c'était fini. Ils étaient donc seuls au monde et abandonnés de tous, excepté de Dieu, qui veille toujours sur ses créatures. Mais ils ne connaissaient point Dieu. Ah, si je me trompe, César et Aimé avaient un ami, un seul, il est vrai, mais plus attaché et plus dévoué qu'on ne serait autorisé à l'exiger d'un grand nombre. Il s'appelait Balthazar, et n'était, hélas, qu'un pauvre caniche, aussi mal placé dans la hiérarchie des chiens que ses maîtres dans celle des hommes. D'un extérieur peu fait pour inspirer la confiance, il était horriblement malpropre et avait l'air de porter des guenilles en guise de toison. De plus, il avait le malheur d'être maigre, à lui tout seul, autant que les 7 vaches qu'un certain roi d'Égypte vit en songe, comme il est expliqué dans la Bible. Mais cela ne fait rien. Ce ne sont pas toujours les caniches les plus gras et les mieux soignés qui sont les meilleurs et les plus intelligents. Si Balthazar était laid et chétif, en revanche, sa cervelle de chien était bien organisée. Il avait beaucoup de moyens, et en outre du cœur assez pour faire honte à bien des hommes. C'était vraiment une bonne et intelligente bête, et quand je songe aux preuves d'attachement qu'il a données à ses jeunes maîtres et à sa conduite si sagement raisonnée en maintes circonstances, je me demande comment il se trouve des gens assez hardis ou assez aveugles pour refuser aux caniches la faculté de penser. Croyez bien, mes petits lecteurs, que Balthazar ne ressemblait en rien à ces chiens idiots qu'on voit tous les jours s'attacher au premier venu, qui veut bien se déclarer leur maître, et sont toujours prêts à s'humilier devant la force. De tels chiens ne méritent seulement pas qu'on daigne s'occuper d'eux. Quant à lui, il ignorait la bassesse, et n'avait point tant de servilité dans le cœur au service des hommes. Son éducation avait été fort soignée. Des maîtres habiles et bien inspirés l'avaient doté de nombreux talents, dont Joseph Ledoux tirait alors un parti assez avantageux. On ne savait pas en ce temps-là que l'adversité obligerait un jour Balthazar à faire un gagne-pain des tours d'adresse et de force qu'on lui avait enseignés pour charber ses loisirs et ceux de ses amis. Mais la vie est ainsi faite. Personne ne peut répondre de l'avenir. On voit tous les jours les gens les mieux partagés sous le rapport des richesses passer de l'opulence à la misère, avec une rapidité bien faite pour donner à réfléchir. Quant à Balthazar, il n'était point tombé d'une hauteur vertigineuse. C'était au milieu d'une honnête famille d'artisans, et non dans le chenil d'un grand seigneur, que le sort l'avait fait naître. il n'en avait pas moins été très dur pour lui de se trouver ensuite au service d'un bateleur, et surtout d'un bateleur ivrogne, et méchant comme était Joseph Ledoux. Balthazar, vous le devinez bien, je pense, était un chien savant, ou, si vous le préférez, un chien artiste. Vous énumérez tous les jours ce qu'il exécutait serait fastidieux. Cependant, si cela peut lui procurer une meilleure place dans votre estime, je vous apprendrai qu'il sautait à la corde presque aussi bien que les plus habiles d'entre vous, disait l'heure au public avec l'exactitude d'un cadran solaire, mettait bravement le feu à un petit canon de poche dont l'explosion ne le faisait même pas sourciller, savait rien qu'à l'inspection de la physionomie distinguer au milieu d'une foule d'enfants celui qui était le plus aimable et le plus docile, et de sa patte droite battait la mesure avec une précision remarquable lorsque son maître jouait du violon. Entre de meilleures mains que celles de Joseph, il aurait pu très certainement se faire connaître et gagner beaucoup d'argent. Mais je dois, pour être juste, déclarer que l'amour-propre et la cupidité n'étaient point son fait, et que si c'eût été pour sa satisfaction personnelle et par amour de l'or, jamais il n'eût consenti à prendre une sébile entre ses dents et à la tendre humblement à des spectateurs, qui le plus souvent ne donnent leurs centimes qu'à regret, et par respect humain plutôt que pour rétribuer honorablement le savoir et l'adresse. En cela, comme en beaucoup d'autres choses, il obéissait à son devoir de préférence à ses goûts. Tout naturellement, César et Aimé chérissaient Balthazar, dont ils connaissaient et appréciaient le dévouement. C'était un vieil ami, qu'ils avaient toujours vu près d'eux. Ils le soupçonnaient avec raison de les avoir précédés dans la vie. Et parfois, lorsqu'ils fixaient sur leur jeune visage ces pauvres yeux déjà ternis par l'âge, mais profonds et comme tout chargés de souvenirs, ils s'imaginaient que le vieux chien songeait à ce passé si obscur que César faisait de vains efforts pour pénétrer. Malheureusement, Balthazar était incapable de les consoler et de les encourager. Il ne pouvait que les aimer. C'était quelque chose, sans doute, mais ce n'était pas assez. Il le voyait fort peu, d'ailleurs, car ils étaient obligés de se séparer de lui dès le matin pour se rendre où les appelait leur occupation, et ne rentrait que le soir, presque toujours brisé de fatigue et poursuivi par le sommeil. Quoi qu'il m'en coûte, mes petits lecteurs, je dois vous faire connaître la véritable occupation de César et d'Aimée. Il est donc inutile de vous le dissimuler. Leur commerce de fleurs n'était qu'un prétexte pour demander l'aumône. Ils faisaient le honteux métier de mendiant, un dur métier, croyez-moi, et qui procure tant de misère, d'ennui et de fatigue que je me demande comment il se trouve des paresseux assez mal inspirés pour le choisir volontairement. Quant à mes amis, ils ne l'avaient point choisi, au contraire. C'était bien malgré eux et tout à fait à leur corps défendant qu'ils s'y livraient. Que cette répugnance les réhabilite à vos yeux et fasse qu'il se trouve pour eux une toute petite place dans un coin de votre cœur.